It's up to you, New York. New York. New York. Merci d'écouter Espace, rue de la Harpe, en plein cœur d'Évreux pour la Saint-Nicolas, 18h. Tout de suite, un nouveau point d'actualité nationale et internationale. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Les autorités redoutent de nouveaux heurts à Paris ce samedi à l'occasion de la 4e journée de mobilisation des Gilets jaunes dans la capitale. La préfecture de police appelle ainsi les commerces des Champs-Élysées à fermer leurs portes et accès samedi, mais aussi à sensibiliser leur personnel sur les risques encourus selon une feuille d'avis adressée aux commerçants. Le gouvernement va déployer des moyens exceptionnels en plus de 65 000 policiers et membres des forces de l'ordre mobilisés en France, a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe devant le Sénat. Nouvelle journée de mobilisation émaillée de violences dans les lycées pour protester contre la réforme du baccalauréat et de Parcoursup, mais aussi pour certains en soutien aux Gilets jaunes. Environ 200 lycées et collèges sont de nouveau bloqués ou perturbés et plusieurs incidents ont déjà été recensés. La police annonce avoir procédé dans la matinée à 146 interpellations devant le lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Après des incidents et des dégradations, la veille, deux voitures avaient été incendiées et des heurts avaient éclaté avec les forces de l'ordre devant cet établissement. Les syndicats CGT et Force ouvrière des chauffeurs routiers maintiennent leur appel à la grève prévue à partir de dimanche à 22h. Malgré leur entretien aujourd'hui avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne, ils maintiennent la pression. Même s'ils ne sont pas majoritaires, des barrages sont possibles à partir de dimanche soir. C'est le paiement majoré de leurs heures supplémentaires qui coince. Ils veulent que le patronat s'engage noir sur blanc à ne pas remettre en cause ces majorations. D'ici dimanche, si les patrons du secteur s'engagent, la grève pourrait être levée. Réapparu il y a moins de 30 ans en France, le loup continue à étendre son territoire et devrait dépasser cet hiver un seuil pour la viabilité de cette espèce protégée. En 6 mois, la population est passée de 74 à 85 zones de présence permanente, dont 72 meutes. Au vu de l'évolution des données, il est probable que l'effectif en sortie d'hiver dépasse les 500 loups. Ce chiffre de 500 correspond à un premier seuil de viabilité démographique, c'est-à-dire l'aptitude de la population à moyen terme à résister au risque d'extinction. Enfin, en handball, à l'heure d'affronter le Danemark tout de suite en ouverture du tour principal de l'Euro, les Bleus ont retrouvé la sérénité après leur match perdu jeudi dernier et il leur en faudra, puisqu'elle doivent remporter 3 matchs pour rejoindre les demi-finales. Plus normande des radios. Ludo, 17h-19h. Et dans les prochaines minutes, Shawn Mendes, Lost in Japan et tout de suite Dimitri Vegas, Like Mac, on va danser dans les rues avec Opéra. L'after school d'espace. We'll be right back.

turn out. I man feel like he wants some overproof and some fried fish. You see me? Thank you. retrouverez ce soir Manu entre 21h et 23h pour de nouveaux sets funky mix, comme on le fait du lundi au vendredi. Pour l'instant, il est déjà 18h30, tout de suite un nouveau point d'actualité local et régional préparé par la rédaction d'Espace. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Contestant la réforme du bac et la plateforme Parcoursup, mais aussi en soutien aux gilets jaunes, des élèves des lycées Jeanne d'Arc, Saint-Saëns, Grieux et Blaise Pascal à Rouen ont convergé vers le rectorat. Aujourd'hui, plus de 1500 personnes se sont réunies dans une ambiance tendue avec les forces de l'ordre. Des mouvements de blocage également dans des lycées de Sotteville-lès-Rouen, Petit-Quevilly, Maromme, Déville-lès-Rouen, Gaillon, Gisors et puis à Beauvais, près d'un millier de lycéens ont convergé ce matin vers le lycée Félix-Faure. La mobilisation des gilets jaunes s'est également poursuivie aujourd'hui. Aujourd'hui à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans les régions du Havre et de Dieppe, mais aussi dans le Pays de Bray. Dans l'heure, les points de manifestation sont similaires aux jours précédents. Et puis dans le Calvados, à Honfleur, plusieurs horodateurs de la rue des Vases ont été tagués après avoir été enveloppés dans des sacs poubelles et ont subi les foudres des bombes de peinture. Pour sauver les chiffres d'affaires en berne des commerçants en raison du mouvement des gilets jaunes, la préfète de Seine-Maritime a signé aujourd'hui un arrêté permettant aux commerces du département d'ouvrir trois dimanches de plus, les 16, 23 et 30 décembre, avec des salariés volontaires. Colère des agriculteurs de l'Oise également. Un gigantesque tas de fumier a été déversé tôt ce matin devant les grilles de la préfecture à Beauvais. En cause, les retards de paiement de la PAC, la politique agricole commune, datant de 2016. Une aile du conseil régional de Normandie-Armand a été évacuée. Aujourd'hui, le bâtiment administratif menace en effet de s'effondrer. Un grand périmètre de sécurité est installé sur cette partie de l'immeuble Fontenay. Plusieurs fissures sur la rue ou encore dans la cour intérieure de l'édifice sont apparues. Des repères qui avaient été placés ont bougé. La nuit dernière, un Hébroïcien qui circulait sur la RN154 n'a pas hésité à intercepter un automobiliste qui roulait à contresens sur la voie rapide entre la Madeleine et Netreville, près d'Évreux. Le dépistage d'alcoolémie sur le conducteur en faute a révélé un taux de plus de 2 grammes par litre de sang. Il a été placé en dégrisement puis en garde à vue au commissariat d'Évreux. Si le Téléthon commence demain soir, des associations plus locales œuvrent aussi pour aider à la recherche médicale. C'est le cas de la jeune association de Gournay-en-Bray, des L pour L, L majuscule pour Lola, le prénom de la fille d'Evan et Sébastien Allard. Leur enfant de 2 ans et demi souffre de cytopathie mitochondriale, une maladie rare pour laquelle il n'existe pas de traitement à l'heure actuelle. Les précisions de Sébastien, le père de Lola. Son organisme n'arrive pas à fournir assez d'énergie pour fonctionner normalement, quoi. Forcément, le fait de tomber malade, de prendre la sieste, ça demande à l'organisme de fournir plus d'énergie. Et vu qu'elle est en déficit, ça pose fort problème, quoi. Quand c'est comme ça, son corps crée des toxines, etc. Et ça peut endommager ses organes, quoi. Pour l'instant, elle ne marche pas. Donc, motricité, manque de tonus, dès qu'elle est malade, un petit syndrome infectieux, elle est très affaiblie, raideur musculaire, donc on est souvent obligé d'aller à l'hôpital. L'association veut faire connaître la maladie au plus grand nombre et va organiser également diverses animations afin de récolter des dons. 200 euros mensuels sont nécessaires pour couvrir les traitements qui comprennent psychomotricité et mélatonine non remboursés par la Sécurité sociale. Le reste ira à l'association contre les maladies mitochondriales du CHU de Rouen. Autre combat des parents de Lola, trouver une AVS, une auxiliaire de vie. Il faut savoir qu'il faut énormément de certificats médicaux, des spécialistes. C'est assez complet, donc ça va être notre combat, on va dire, pour l'année prochaine. Soit notre enfant sera scolarisé parce qu'elle a une AVS, soit elle ne le sera pas. Donc l'enjeu d'avoir une AVS, pour nous, il est capital, quoi. Plus de renseignements sur la page Facebook de l'association des ailes pour elle. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Demain, après des éclaircies en matinée, le retour de la pluie et des nuages dans l'après-midi. Le thermomètre à 8 degrés sur Formerie, 9 degrés sur Gournay, Forges ou encore Beauvais, 9 degrés également sur le Vexin Normand, la vallée de la Seine et puis une pointe à 10 degrés à Rouen et Pont-Audemer. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. 10 11 degrés, alors où je vous parle, indice de l'air partout dans les deux régions, 3 sur 10, c'est nickel. On attaque cette nouvelle demi-heure en direct d'Évreux avec Sound of Legend et Hold That Sucker Down.

bitches. À l'instant avec un Later Bitches, rue de la Harpe, rue Chartrenne, mais également rue de Grenoble, rue du Docteur Roussel, place du Grand Carrefour, rue Joséphine. On y est depuis ce matin, 7h pour la Saint-Nicolas-d'Evreux, 18h49. 5 nouveaux messages maintenant provenant de Vendrimard, Bézus, Saint-Éloi, Dongu, Château-sur-Epte et de Noléval. Bonjour, j'organise une soirée en hommage à Johnny le samedi 8 décembre à 20h. C'est une soirée repas dansant avec karaoké. Ça se passe à Noléval. Réservation, c'est 25€. Contactez-moi au 06 80 35 87 60. Bonjour Espace, l'école de Château-sur-Epte organise une bourse jouée le 8 décembre de 10h à 17h. Vous pouvez également trouver des livres, déco de Noël et accessoires de périculture au profit d'un voyage en Angleterre. Pour tout renseignement, contactez le 06 14 10 22 63 ou le 06 12 36 78 03. On vous attend, venez nombreux. Voici venu le temps du 23e marché de Noël de Dongu, le samedi 8 décembre de 14h à 19h et le dimanche 9 décembre de 10h à 18h. Les bénévoles du comité des fêtes vous attendent nombreux dans une ambiance festive pour découvrir les nombreux stands d'artisanat, décorations, bijoux, produits gourmands, qu'ils soient locaux, de nos belles régions de France ou même d'une pointe d'exotisme. Dans nos chalets, vous pourrez également déguster vin et chocolat chaud, crêpes, marrons et bien entendu, comme chaque année, le Père Noël nous fera l'honneur de sa visite et se laissera même prendre en photo. Alors nous vous attendons nombreux les 8 et 9 décembre au 23e marché Noël de Dongu. Bonjour, l'association des parents d'élèves de Bézu-Saint-Éloi organise une bourse aux jouets et aux livres le dimanche 9 décembre à la salle des fêtes de Bézu-Saint-Éloi. Le FLEP de Vendrimard organise son marché de Noël le 9 décembre au centre socio-culturel de 10h à 18h. Vous y trouverez sur place un marché fermier, la présence du Père Noël, un stand photo, une vente d'huîtres et de sapins, balade à dos d'âne et surtout un restaurant éphémère. Pour plus de renseignements et réserver vos repas, contactez la mairie au 02 32 49 03 63. À bientôt. La potion du bonheur a laissé quelques traces chez moi. S'inviter à pas d'heure et ce même quand je touchais du bois. On ne croupira pas là que me chantait mon petit doigt. Pour leur maman dit qu'on n'a pas trop le choix. Elle m'a dit laisse passer gentiment. Elle m'a dit laisse passer simplement. Tout finira bien par se tasser. N'était pas là, voilà comme maman s'en est allée. Ma vie c'est pas la joie, mais je ne vais pas vous en étaler. Le frérot l'a senti, lui a vite préféré d'étaler. Mais bon, je suis grand, moi je ne vais quand même pas chialer. Il m'a dit laisse passer gentiment. Il m'a dit laisse passer simplement. Tout finira bien par se tasser. Je m'en vais rêvasser. Merci Cameron avec Laisse passer sur espace. Bonne soirée dans la catégorie toujours et encore des sons que vous choisissez. Et c'est vrai que ça avait bien marché ce titre-là. Avant 19h, nous écouterons ça. Petit bandolero Paris Latino, 18h54, la Proc Télé, David maintenant. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le jeudi 6 décembre. Ce soir sur TF1, une nouvelle série, Balthazar, avec Thomas Sisley, ce comédien qui adore se regarder en se disant « Ah mais qu'est-ce que je suis trop beau !» Hélène de Fougerolles joue également dans ce téléfilm. C'est un médecin légiste qui a toujours le sens de l'humour, hein, malgré son métier difficile, qui bosse avec un commandant de police très peu souriante. Notez que cette série est produite par l'équipe qui fait Braco, donc techniquement ça va envoyer le pâté. France 2 envoyé spécial avec Élise Lucet, alors vous le savez, j'ai toujours un petit doute à vous donner le programme. Ils changent tout le temps. Ce soir, ils sont censés parler de Marseille, la ville effondrée. Ils font un état des lieux sur l'immobilier. 22h55, complément d'enquête, carburant, petite magouille et gros trafic. On va parler des vols de carburant qui se multiplient en ce moment. En gros, tu te fais siphonner la nuit et les gens revendent ça au marché noir. France 3, la malédiction de la Vologne continue ce soir. C'est un documentaire sur l'affaire Grégory, 22h40. Débat, saura-t-on un jour la vérité ? Telle est la question. Canal, témoin désirable d'Agatha Christie. Une série anglaise, il y a forcément un mort, une enquête et des rebondissements, comme dans les romans de l'auteur susnommé. Arte, au nom du père, la série dramatique de la chaîne de la culture et des prises de tête, continue sa petite vie. M6, papa ou maman, la série est en prime, c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup les comédiens, ils sont excellents, si vous voulez passer un bon moment, allez-y, c'est open bar, les amis. Le meilleur de la TNT, c'est 8 enquêtes sous haute tension, 100 jours avec les gendarmes de l'autoroute du Sud-Ouest. TMC, ça c'est pour les jeunes. Orelsan, c'est le concert-événement et c'est en direct. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande. Groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Et maintenant, écoutez un titre que vous n'entendez jamais sur Espace. Jamais. Ça va vous surprendre. Mais Ludo est assez fou pour vous le diffuser. Ouais, je sais, camarade. Mais pas de soucis. Alors, sorti en 1983, un bandolero Paris Latino. Et c'est vrai que ça avait bien marché. On me l'a demandé, donc je diffuse. Pas de problème, c'est le concept de base. Passez une très belle soirée. Pour ma part, rencard demain, dès 17h. Ciao. Danse avec le reflet du miroir. Arrivé direct from Mexico, Don Diego de la Vegas est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, la playmate du mois. Miss Cha Cha Cha, oh Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi. Et don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre. Dr. B, that's me. amoureuse folle du reflet dans le miroir. Reparti direct to Mexico, Don Diego de la Vega, sa cape, son bandeau. Plus personne dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs sont allés se faire voir. Odeur de tabac, de cendrier froid, les parfums sucrés de Miss Cha-Cha-Cha. Oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, hey. Don't forget me, I'm Dr. B. Fer brisé de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Fer brisé de Cuba Libre. Dr. B, that's me. To the latest groove. Don't stop. So just kick off your shoes. Hit the top. And begin to groove. Five. I don't waste no time. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. Nous sommes le jeudi 6 décembre, il est tout juste 19h. Les infos. Espace Radio. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Les autorités redoutent de nouveaux heurts à Paris ce samedi à l'occasion de la quatrième journée de mobilisation des Gilets jaunes. La préfecture de police appelle ainsi les commerces des Champs-Élysées à fermer leurs portes et accès samedi, mais aussi à sensibiliser leur personnel sur les risques encourus. Par ailleurs, le parcours de la marche pour le climat prévu à Paris a été modifié pour éloigner l'événement des Champs-Élysées. Le gouvernement va déployer des moyens exceptionnels en plus de 65 000 policiers et membres des forces de l'ordre mobilisés en France. Dans ce climat de tension, il n'y aura aucun choc au programme de la 17e journée de Ligue 1 ce week-end, deux jours après les reports des rencontres du PSG et de l'Olympique Lyonnais, respectivement contre Montpellier et à Toulouse. Deux autres matchs ont été remis à plus tard aujourd'hui. Le derby azurien programmé demain soir entre l'AS Monaco et l'OGC Nice et l'affiche du dimanche entre l'AS Saint-Étienne et l'Olympique de Marseille. Les six autres rencontres, elles, sont maintenues. Nouvelle journée de mobilisation émaillée de violence dans les lycées pour protester contre la réforme du baccalauréat et de Parcoursup, mais aussi pour certains en soutien aux Gilets jaunes. Environ 200 lycées et collèges ont été de nouveau bloqués ou perturbés et plusieurs incidents ont été recensés. La police annonce notamment avoir procédé dans la matinée à 146 interpellations devant le lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines après des incidents et des dégradations. Les syndicats CGT, Force ouvrière des chauffeurs routiers maintiennent leur appel à la grève prévue à partir de dimanche à 22h. Malgré leur entretien aujourd'hui avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne, ils maintiennent la pression. Même s'ils ne sont pas majoritaires, des barrages sont possibles à partir de dimanche soir. C'est le paiement majoré de leurs heures supplémentaires qui coince. Ils veulent que le patronat s'engage noir sur blanc à ne pas remettre en cause ces majorations. D'ici dimanche, si les patrons du secteur s'engagent, la grève pourrait être levée. Enfin, Vice, film biographique consacré à l'ancien vice-président américain Dick Cheney, a récolté le plus grand nombre de nominations pour les Golden Globes qui ouvre la saison des prix à Hollywood. Sélectionné à 6 reprises, le film d'Adam McKay avec Christian Bale en Dick Cheney devance de peu la favorite Green Book et A Star Is Born à égalité avec 5 nominations. Sur la plus normande des radios, Dorian. Allez, après une longue journée de travail et d'école, on se détend tous ensemble dans l'afterwork. Espace, plus de son, plus de tubes. Après avoir ouvert la 6e case du calendrier de l'Avent, on commence avec Martin Griggs. C'est Burnout. Passez une belle soirée dans l'afterwork. Summer like the sun in your eyes. Hold tight, another minute, another hour, baby, I'ma show you you can rely on me. I'll give you all you need. In a small cloud, try to find ground in the place where

if I just held on. But it's really crazy how love could fade so fast. We said forever, but now we're in the past. And I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go and I hope you'll be happy now. You and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on. Caïgo, Sandro Cavazza, Happy Now sur la plus normande Picarde des radios. Soyez prudents sur les routes. Et merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui à Évreux pour la foire Saint-Nicolas. On était ravis de vous retrouver dans tout le centre-ville et plein de belles choses se préparent, notamment le 22 décembre, je crois, de mémoire. Tout juste 19h26, on passe en mode souvenir maintenant avec Indochine, un tube légendaire. Trois nuits par semaine, on l'a entendu hier soir chez Ludo. Passez une très belle soirée. Back in time. Écoutez le meilleur des souvenirs. Mais trois nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Et trois nuits par semaine, mais bon Dieu qu'elle est belle. laissez nouveau message comme d'hab 0950 35 50 50 ou sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Espace Normandie. À l'instant, Légendaire, sorti en 1985, Indochine, avec 3 nuits par semaine. Villers-sur-le-Roule vous attend pour le marché de Noël ce dimanche 9 décembre de 10h à 17h. Tout juste 19h30, voici Eric pour toute l'actu locale et régionale. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Contestant la réforme du bac et la plateforme Parcoursup, mais aussi en soutien aux gilets jaunes, des élèves des lycées Jeanne d'Arc, Saint-Saëns, Grieux et Blaise Pascal à Rouen ont convergé vers le rectorat. Aujourd'hui, plus de 1500 personnes se sont réunies dans une ambiance tendue avec les forces de l'ordre. Des mouvements de blocage également dans des lycées de Sotteville-lès-Rouen, Petit-Quevilly, Maromme, Déville-lès-Rouen, Gaillon, Gisors et puis à Beauvais, près d'un millier de lycéens ont convergé ce matin vers le lycée Félix-Faure. La mobilisation des gilets jaunes s'est également poursuivie aujourd'hui à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans les régions du Havre et de Dieppe, mais aussi dans le Pays de Bray. Dans l'heure, les points de manifestation sont similaires aux jours précédents. Et puis dans le Calvados, à Honfleur, plusieurs horodateurs de la rue des Vases ont été tagués après avoir été enveloppés dans des sacs poubelles et ont subi les foudres des bombes de peinture. Colère des agriculteurs de l'Oise également. Un gigantesque tas de fumier a été déversé tôt ce matin devant les grilles de la préfecture à Beauvais. En cause, les retards de paiement de la PAC, la politique agricole commune, datant de 2016. Troisième jour de grève des avocats de Rouen contre la réforme de la justice qui prévoit la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance notamment. Les robes noires ont empêché un procès aux assises de se tenir aujourd'hui. Une aile du conseil régional de Normandie à Rouen a été évacuée. Aujourd'hui, le bâtiment administratif menace en effet de s'effondrer. Un grand périmètre de sécurité est installé sur cette partie de l'immeuble Fontenay. Plusieurs fissures sur la rue ou encore dans la cour intérieure de l'édifice sont apparues. Des repères qui avaient été placés ont bougé. 9 barres d'immeubles HLM de Gaillefontaine vont être détruites. Une décision des bailleurs sociaux Habitat 76 et Logeo Seine-Estuaire, faute de locataires suffisants dans les logements du côté d'Habitat 76 qui possède 5 immeubles dans le quartier du Beau Soleil. Cette démolition représente 80 logements en moins. Certains locataires ont déjà été relogés à Forges, les zones Châtel-André et Gaillefontaine. Et puis l'on pense déjà à Noël dans les refuges pour animaux, le reportage d'Alexandre Lénaud. Les animaux ont le droit aussi à leur Noël selon la fondation Clara à Beauvais qui organise ses portes ouvertes ce week-end. Le refuge se donne pour mission de sensibiliser le plus large public à la cause animale et de multiplier les adoptions. Écoutez Alban Perrault, responsable du chenil. C'est le but, en faire le plus possible et pouvoir trouver un foyer pour Noël à un maximum de nos animaux. On manque toujours d'adoptants, quoi qu'il arrive. Là, on a 45 chiens et une trentaine de chats. On en a toujours un peu plus l'été, un peu moins l'hiver, mais après, bon, malheureusement, il y a des abandons toute l'année, quoi qu'il arrive. Les portes ouvertes de la Fondation Clara sont l'occasion de découvrir les coulisses d'un refuge. La cause animale sera au cœur de nombreux jeux et ateliers pour les petits et les grands. Un moment convivial, assure Alban Perrault. On aura un Père Noël également, il y aura des pâtisseries, du thé, du café, des bonbons. Et on fait également une tombola au profit du fonds de dotation Clara. Cette fondation qui nous permet de placer des animaux directement à la sortie de la fourrière, mais également de faire ce qu'on appelle de la gestion de chat libre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on capture des animaux sauvages, on les stérilise et on les relâche au lieu de les euthanasier comme ça a pu être fait il y a de nombreuses années. Pour adopter un animal, la Fondation Clara à Beauvais invite les visiteurs à se munir de cartes d'identité et de justificatifs de domicile. Il faut compter entre 190 euros et 280 euros pour un chien et 130 euros pour un chat. Et puis à présent, un point sur la météo. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Demain, après des éclaircies en matinée, le retour de la pluie et des nuages dans l'après-midi. Le thermomètre à 8 degrés sur Formory, 9 degrés sur Gournay, Forges ou encore Beauvais, 9 degrés également sur le Vexin Normand, la vallée de la Seine et puis une pointe à 10 degrés à Rouen et Pont-Audemer. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Bon, et bien demain, on revient sur du mauvais temps. Quel dommage. Merci beaucoup Eric, mon sauveur, il comprendra. 19h34, nouvelle demi-heure avec David Guetta, c'est Say My Name. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the